vois toute la ligne. Tu fais le Matrix et t'as pas de calibre. Elle veut qu'on se capte mais j'suis pas libre. Elle fait la sgeg mais elle est maligne. Tu es jamais content mon ami. Puis tu vas devenir l'ennemi. La lumière qui s'anime reste qu'un point sur le permis. Ça sent les ennuis. Elle t'a kiffé folle, fait faire l'amour toute la nuit. Baby love, ça fait trop de soucis. J'roule toute la nuit, j'ai pas sommeil. J'roule toute la nuit, j'ai pas sommeil. Ça les chagrine. Je vais plus gaspiller ma salive. Au casin, il a misé toute sa prime. Après, à la fin du mois, ça trime. Pour la moula, ça fait des crimes. Ça m'a quitté de ce que j'ai vu. Heureusement, je fais bouger.